Salut à toutes et à tous, on va se marrer. On va se marrer comme chaque semaine avec nos guélurons. Alors je tiens tout d'abord à vous présenter mes vieux pop du club. Bonsoir les filles. Rire inimitable, bien entendu. Vrai, oui. Et alors, le Mister Blague. Ça coule. Oh là. Alors, Boris, qu'est-ce qui t'arrive? Voilà. Mais qu'est-ce qui... Au moment où je veux présenter Maurice, j'entends ça coule. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Maurice? Maurice a un gobelet percé. Maurice, on l'appelle Wikileaks. Il est fuite. C'est plutôt sauver Wiki, hein. Bon, Maurice, est-ce que je peux te présenter ou pas? Non. Oui, mais tes soirées privées ne nous regardent pas, Maurice. T'as qu'à retourner ta veste. Hein. Alors, oui, donc j'étais en train de dire le Mister Blague de la station, avec chaque semaine de nouvelles blagues. Oui. Et cette semaine, on a des archives. C'est Maurice. Bonsoir à tous. Maurice, un micro, ça ne se mange pas. Alors, une actualité débordante également, non? Pour Maurice? Non, pour toi. Pour toi, comment? Ça va. Ah bon? Donc, plein de mises en scène et de spectacles à venir. Ah oui. Un excellent one-man show que vous pouvez voir un petit peu partout. Formidable, magnifique. Le Comic Out, ça s'appelle. Ah oui. Et c'est Frédéric Costet. Ah oui. D'accord. Ah, c'est lui! Ça fait juste 20 ans qu'on fait de la radio ensemble. Oui. L'émission sera réalisée. On m'a parlé de lui déjà une fois ou deux. Mmh. Je le voyais pas comme ça. L'émission sera réalisée, comme chaque semaine, par Davy. Ah, bravo, Davy. Et animée par Philippe Bello. Bah ça va être bien. Mais on s'excuse d'avance. Dis donc, Maurice, t'as des verrues, quoi. Alors, Frédéric, comme chaque semaine, une invitée. Ah bah oui. C'est vrai qu'on reçoit beaucoup de filles en ce moment. Oui, c'est bien. Ça va changer. Moi, ça m'arrange. Oui, mais ça va changer. Cette semaine, nous recevons Taz. Bonjour à tous. Bonsoir Taz. Bonsoir. Bienvenue dans cette émission. Tu vas voir qu'il y a plein de choses. Alors, d'abord, première chose, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ben voilà, c'est ma vie, quoi, je veux dire. Une pièce, un one woman. Oui, voilà, j'ai un spectacle, j'ai un one woman show et en ce moment, je suis en tournée en province. Voilà. Donc Taz, donc ton spectacle s'intitule comment? 100% féminin. Je pense que ça se voit. Oui. Oui, voilà. Donc c'est un spectacle, c'est vrai, 100% féminin. 100% féminin, voilà. Qui parle de filles. Oui, enfin c'est sûr. Est-ce que vous avez entendu la connerie qu'a dit Bob quand même? Non. Il répète, assume. Ben oui, il dit c'est une fille. Je dis oui. Oui. Effectivement, il y a deux boss devant. Voilà. Mais c'est juste ça, Fred en fait. Aussi. Bon. Type. Et quand t'as deux boss derrière, c'est en train de te faire tirer par un dromadaire, Bob. Non, je préfère te prévenir quand même, comme tu pars souvent en Tunisie. Mais j'y vais. Oui, c'est vrai. J'en viens de Tunisie, j'ai été faire 3-4 discours. Ah oui. Bon, c'est ça qui a foutu le coup. Alors, tu joues où, ton spectacle? Alors, ben, je disais en province, là, samedi, j'ai joué dernièrement à Bazancourt. Oui. Donc ça, c'est en Champagne-Ardenne, donc par chez moi, en fait. Ah, parce que t'es de là-bas. Je suis de la Marne. Ah. Mmh. Et je suis super contente d'être de la Marne. Il fait beau dans la Marne? Non, c'est pourri. Ah. Hein, mais voilà, j'aime bien. Mais il y a des théâtres quand même dans la Marne. Oui, y en a pas mal, mais c'est surtout en fait les mairies, les centres culturels qui aiment beaucoup les humoristes. Voilà. Ah, donc dans la soirée, on aura des petits extraits du spectacle, évidemment. Oui, voilà, et ben la chanson. Oui. Ah bah on voit que t'es par là-bas. Tu dis oui. Exactement, mais on a déjà dit ça. Hein. Oui, on a déjà dit. J'ai un accent marnais, oui, bah, je suis désolée. C'est près de Reims. Oui, à Reims, on avait remarqué que les Reinsois. Les Reinsois, oui, parce qu'ils picolent les Reinsois. Ouais, bah, c'est les Reinsois. On avait remarqué qu'ils disaient. Qu'est-ce qu'ils disaient, Maurice? Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. C'est exactement ça. On n'ouvre pas la bouche. Mmh. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, c'est ça. On est très feignants. C'est pour ça que tu pourrais pas vivre là-bas, Maurice. Ça commence fort. Ouais. Alors, tu vas voir que cette émission, il y a plein de choses. Donc, il y aura des extraits de ton spectacle, bien sûr. Il y aura des jeux, des blagues de Maurice, des blagues envoyées par des auditeurs à Maurice sur son adresse e-miel. E-miel, oui. E-miel. Et des épreuves. Mais tu verras que cette émission est une épreuve. Oui, la première, c'est le baptême de l'équipe adverse, car vous formez deux équipes. Donc, on va, le temps que tu réfléchisses avec Fred, on va demander à Bob pourquoi, moi et Maurice. Ah bon voilà. Non, mais Bob, t'as une idée de baptiser l'équipe de Taz et Frédéric. Les Fredo Taz. Ouais, est-ce que vous avez une meilleure idée pour les PP? Je sais pas, il est en train de boire, je dirais Bob l'éponge. Ah oui, c'est là. C'est la première fois qu'on me l'a fait. Oui. C'est vrai qu'il picole pas mal. Hein. Mmh. Oui, alors, c'est pour le premier point de la soirée, voici la première question. Ah. À votre avis, pourquoi cela porte-t-il malheur de dire lapin à bord d'un navire? Oui, bah Bob. Oui. À cause de la queue? Quelqu'un n'a pas de queue. T'as vu la taille de la queue d'un lapin? Ah, c'est une petite queue. Hein. Non. Parce qu'ils transportaient des lapins dans le temps pour la nourriture. Oui. Et les lapins sont tombés malades et ça a tué tout le personnel du navire. Non. Ils leur ont donné la myxomatose. Non. Ah non, ça c'était bien après. Parce qu'ils transportaient des lapins, c'est ça, ça c'est oui, vrai. C'est ça pour les manger. Là, c'est bon. C'était pour et les lapins manger. Ont fait quelque chose qui a apporté... Oui. Ah oui, ils ont rangé la coque, ils ont fait des trous, ça a coulé le bateau. Pas la coque. La proue. Pas la coque. La quille? Non. L'encre? Non. Le capitaine? Ils ont torturé le capitaine, mais non. C'est le capitaine Carotte. Ils ont bouffé les voiles? Non. Ils ont bouffé la bouffe? Ils ont mangé le pain, la farine? Non. Mais sur le bateau, qu'est-ce qu'il y a? Ben, y a des rames, ils ont des bouffé passagers. Les rames. Non. Des passagers? Non. La poudre à canon? Non. Ah oui, puis dès qu'ils pétaient, paf! Ça incendiait les bateaux. C'est dangereux. C'est dangereux. Alors qu'est-ce qu'ils ont mangé? Des sabres? Non. Ils ont mangé des personnes? Ouais, les passagers, non? Quelque non, chose non. de très important sur un bateau. Ah, les cartes? Non. Le mât? Ils ont mangé que les trèfles. La barre? Les engins de mesure? Le non, gouvernail? Pas, pas le gouvernail, mais... Le mât? Tout ça, ça, ça... Ah, la roue? Non. Ben, c'est le gouvernail, ça. Les comment toutes les cordes. Ça s'appelle comment? Ben, le cordage, hein. Le... Les fils. Oui, les... comment ça s'appelle, ça? Les... Des, les a... Les amarres. Les amarres. Bonne réponse de Bob, pas du tout aidé. Oui, mais j'avais trouvé le principal, que les lapins avaient mangé quelque chose. Ils avaient mangé quelque chose, c'est pas faux. Alors, vous savez, dans l'émission, Maurice a donc une adresse e-miel. Oui. Tu nous rappelles cette adresse e-mail, Maurice? C'est radio.ovsm@gmail.com. Et je crois que tu as reçu de nombreux mails d'auditeurs avec des blagues, puisqu'il faut envoyer des blagues à Maurice. Oh, les salauds. Alors, ça, tu parles des auditeurs, là, oui. Soit quand même. Non, non, c'est une femme, là. Ah. Encore une femme. Hein. Ah oui, c'est vrai que t'adores les femmes. Mmh. On est envahis en ce moment. Hein. C'est de Josiane de Morangis. Alors, lors d'un safari, un bègue hurle. Hi, hi, hi. Tout le monde répond alors, hurrah, hurrah, hurrah, hurrah. Et ils se feront renverser par un hippopotame. Je crois que le beg a dû dire hip, hip, hip. Oui, je pense. Oui. Parce que sinon, on ne comprend pas pourquoi ils ont dit hurra. Oui. Ah oui, hip, hip, hip. Ah, ah, ah, elle est meilleure comme ça. Il faudrait que tu la refasses. Non. Ne l'applaudissez pas. On n'applaudit pas, c'est lui qui s'applaudit tout seul. C'est alors, lui qui applaudit. Josiane va nous appeler. Lors d'un safari, un beg... Quand on recommence depuis le début, c'est Josiane. Bonjour Josiane de Morangis, c'est tout... Tant pis pour elle. Lors d'un safari, un bègue hurle. Hip, hip, hip. Ah. Tout le monde répond alors. Hurrah, hurrah, hurrah. Mais pourquoi et... trois fois hurrah? Parce qu'il a dit trois fois hip. Parce que quand on dit hip, hip, hip, tout le monde répond. Hurrah, hurrah. Non, voilà. Dit hurrah, c'est tout. On se croirait au stade. Et ils se font renverser par un hippopotame. Voilà. Ah, elle marche mieux, là. Elle a bien... Elle a ah oui. Alors, dans quelques je instants... Je sais pas ce qui me désole le plus. Hein, oui. Si c'est que Maurice les raconte ou qu'il y ait des gens qui lui envoient. Mais continuez. Hein. Oui, dans quelques instants, on va vérifier si on fait mieux que Maurice avec la première tournée de blagues. Donc, vous faites chauffer les blagues et on revient juste après la pause. À tout de suite. « Retour du Temple 50. Non, je plaisante. Merci, parce que Maurice nous expliquait hors antenne. Maurice nous parlait de ses taupes. Il a des problèmes de taupes. Retourne, on va se marier avec Taz. Ouais, ouais. Pour que nos auditeurs comprennent, Maurice a un château en Bourgogne. Oui, mais qu'il n'a pas déclaré au fisc. Voilà, bien sûr. Il a une grande propriété et la pelouse est pleine de taupes. Ah. Voilà. Est-ce qu'il a un escalier en escargot? Ah, je ne sais pas, il faut demander. De Bourgogne. De Bourgogne. Elle est bonne, ça. Il y en a aussi. Bien sûr. Tu les manges? Oui. Ah. Est-ce qu'il est-ce que tu manges la coquille, toi? Non. Il y a deux écoles sur les escargots. Il y a ceux qui mangent la coquille et ceux qui ne mangent pas la coquille. Je ne mange pas la coquille. Ah. Eh bien, cher Taz, nous allons te proposer d'initier... Je crois qu'elle commence à se rendre compte du traquenard dans lequel elle est tombée. Oui, elle a vu que Maurice... Je suis réellement dans la merde, je crois. Mais oui. J'en ai peur. Et là, tu vas comprendre ta douleur, car voici la première tournée de blagues. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Alors Maurice. Ah, c'est à moi déjà ? Bah oui. Alors, c'est deux morceaux de fromage qui se rencontrent dans le frigo. L'un dit à l'autre, gruyère. Et l'autre lui répond, râpé. J'ai pas compris. Alors, non, parce que... J'ai pas compris, moi, là. Non. Parce que c'est pas la première fois qu'il nous la raconte. Oui. Maintenant, ce que je voudrais, c'est que tu nous... Parce que je ne crois pas que tu l'aies comprise, la blague. Je voudrais que tu nous l'expliques. Parce que vu le ton sur lequel tu la racontes, voilà. Tu ne l'as pas compris. Pourquoi gruyère ? Non, parce que moi, je vais te la raconter telle que je la comprends. Voilà, d'accord. C'est deux fromages qui se rencontrent dans C'est deux fromages qui se rencontrent dans le frigo. Oui. Et ils ne se connaissent pas. Voilà. Alors, il y en a un qui dit gruyère et l'autre qui dit râpé. Ah, voilà. Ah bah oui. Voilà. Mais c'est alors, très bien. Ça veut dire quoi ? Râpé. Bon, c'est pas grave, Maurice. Non. C'est pas grave, tu nous fais rire. Alors, c'est un homme qui possède un élevage de chevaux au bord d'une falaise. Et un jour, il y a un cheval qui tombe de la falaise. Alors, il décide de mettre des barrières. En bas. Mais. En bas. Non, il y a des barrières le long de la falaise. Ah oui, pardon. En haut, sinon, mais malheureusement, les chevaux, ça saute. Un deuxième barrière. Cheval saute au-dessus et s'écrase. Le lendemain, il rajoute un fil électrique. En se disant, hein. Mais les chevaux, ils s'en foutent. Et là, c'est la même histoire. Il ressaute. Alors un jour, il se plaint dans un bar en disant, oh là, j'ai tous mes chevaux qui tombent de la falaise. Et il y a un vieil homme qui l'interpelle. Il dit, bah, moi, je peux vous aider. Je peux vous louer mon âne. Ah bon ? Ah oui, je vous loue mon âne et là, vos chevaux ne tomberont plus. Alors l'homme est complètement désespéré, il comprend pas pourquoi, mais il accepte. Le jour même, il met l'âne avec les chevaux, et le lendemain, il se rend compte qu'il n'y a aucun cheval qui est tombé. Ah, c'est dingue. Incroyable. Fabuleux. Il retourne voir le vieillard, merci. Écoutez, bravo, hein, mais vraiment, je ne comprends pas comment cela est possible. Quelle est la spécialité de votre âne? Et il a dit, mais c'est compliqué, pas compliqué. Mon âne, oui. Mais il s'appelle Pedro. Oui, et alors? Ben, Pedro l'âne empêche la chute des chevaux. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Mon Dieu. Tout ça pour en arriver là. Là tu nous narres. Vraiment. Je m'en fous, je l'enverrai chez Ruquier. Le pire c'est qu'ils sont capables de la raconter. Alors, c'est un avion qui tombe sur une île déserte du Pacifique. C'est Lost. Sauf que là, il n'y a que trois survivants. Il y a un pilote, un steward et une hôtesse de l'air. Ah, les autres sont tous morts. Tout le monde est mort. Puis au bout de quelques jours, il y a l'hôtesse qui dit « Bon, les gars, on est seuls. Nous souffrons tous les trois d'un certain manque. Nous sommes des humains. Moi, je vous propose de nous organiser. Alors, toi, les jours pairs et toi, les jours impairs. » Oh, les deux autres, génial, bah, très bien. Alors ils font ça, et hop, les jours pairs, c'est le pilote, les jours impairs, c'est le steward. Et mais au bout de deux mois d'un régime comme ça, l'hôtesse, elle a une infection qu'elle peut pas soigner et elle meurt. Oh là là. Alors les deux autres, ils sont tout tristes. Mais enfin, au bout d'un mois de ce régime-là, ils se disent, écoute, le temps passe, c'est dur. Je suis jeune, je suis en manque. T'en dis quoi ? Bah, ok. Donc ils tombent d'accord, hein. Un les jours pairs et l'autre les jours impairs, et voilà, et ça se passe comme ça. Et au bout d'un moment, il y a quand même le mec, un des deux, qui dit, tu sais, ce qu'on fait, c'est contre nature quand même. T'as raison. T'as raison. De toute façon, les sensations sont plus les mêmes. Il vaut mieux arrêter. Qu'est-ce que t'en penses? On l'enterre? Oh oh oh Quelle horreur! Bah, GG est pas là. Faut mieux le remplacer. Alors, Taz, c'est à toi. Je vais trouver une courte, là. Ah. Mais qui est pas mal. Enfin, pour moi. Maurice aussi, quand il baisse les yeux, il en trouve une courte. Alors, qu'est-ce qui est noir et blanc et qui dit au pape d'aller se faire foutre? Je sais pas. Une bonne sœur qui vient de gagner au loto. Et oui, bien sûr. Oui. C'est pas faux. Alors, vous savez que dans l'émission, on a quelques archives. Et bien sûr, la victime de nos archives, c'est Maurice. Ah bah oui. Et on a recherché une émission qu'on avait enregistrée il y a quelques mois de cela. Ah, quelques années peut-être. Exactement, une émission qu'on avait enregistrée l'année dernière. Et je ne sais pas pourquoi, j'avais omis de rediffuser cette petite blague. Elle était passée à la trappe. Très mignonne, mais très très mignonne, Maurice. Hein. Mais très très conne, certainement. Maurice, est-ce que tu te souviens d'une blague que t'aurais envoyée un certain Serge de Dourdan? Oui. Allez, t'en souviens. Moi, je m'en souviens pas, moi. Ah ouais, bah. Non, moi, je m'en souviens pas. Ah bah, écoutons. Allez, envoie l'archive. Ah, donc une auditrice. Non, c'est un auditeur de Serge de Dourdan. Ah, très belle ville. Ouais. Pourquoi les souris green? Non. Gris. Nini. Ah, oh putain, mais lisse qui est marqué, bon sang. C'est pas possible d'être bête à ce point-là. Il est bête à manger du foin, c'est pas possible. Il n'y a plus de foin. Il va nous mettre sur la paille. Moi, je pense qu'il fait exprès. Parce que c'est pas possible. Alors, on en a parlé tout à l'heure. C'est un gâchis pour la science, parce qu'il quand même, il devrait être dans un laboratoire. Vous remarquez, il est bien préparé, il est déjà dans le formol. Bon, alors, vas-y, refais là. Alors, tu l'as refait, celle-là. Pourquoi les souris font ni-ni? Mais non, pas font ni-ni. Lise qui est marqué, bordel de merde. C'est pas possible. Oh non, mais c'est pas possible. Les souris ne font pas ni-ni. Les souris font ni-ni. Non, mais... Mais tu sais pas lire, bon sang de bois. C'est marqué. Pourquoi les souris ni-ni? Ni-ni-ni. Non, mais... Couche, connasse. Rassurez-moi. Rassurez-moi, les micros sont pas branchés. Non. On peut couper. Là, en ce moment, on est en pause. On répète. On est en pause, là, oui. Alors, Maurice, pourquoi les souris font ni-ni? Mais non, pas elles font pas, elles font rien. Pourquoi les souris ni-ni? Excusez-moi, mais elle est où? Alors, qu'est-ce qui est écrit? Non, il y a marqué pourquoi les souris ni-ni? Pourquoi les souris ni-ni-ni? Non. Parce que les rats... Mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Mais appelez Hortefeux, faites quelque chose. Mais... Les souris, ni-ni-ni. Non, mais je te jure. Et ta sœur, ni-ni-ni, ta sœur. Et maintenant, on écoute Maurice. Ah, alors Maurice, la blague... Ah si, bah, ah, Maurice, si. La blague de Serge. Allez. La blague de Serge. La blague de Serge. La blague de Serge. Pourquoi les souris ni ni ni? Moi je me casse. Moi je me casse. Parce que vous voulez, je me casse, je vais rayonner chez moi. Non, mais moi je me casse. Mais non. Il est marqué trois fois là-dedans. Oui. Non. Tu sors pas d'ici tant que tu l'as pas. Pourquoi les souris ni ni? Ah, oui. Là, ça ne va pas. Hein. Allez. Attends, il y a la réponse maintenant. Parce que les rats font. Mais non. Ah non. Il n'y a pas marqué fond. Non, parce que les rats... Gna, gna. Bon, alors pourquoi les souris gni-gni? Parce que les rats gna gna. Bravo, Maurice. C'est une catastrophe. Oui, je crois que tu l'as dit au moins 20 fois. Dans le... Je crois qu'on n'est pas assez payé pour ça. T'es payé, toi? Non. On verra si Maurice pourra nous la refaire avant la fin de l'émission, on sait jamais. Oh, il va bien nous en trouver une autre. Enfin, oui. Ni-ni. Non, c'est... Stop. Oh, non. S'il te... Je t'en supplie, Bob, arrête. Bon, maintenant. Allez, dans quelques instants. Parce qu'avec tout ça, on n'a toujours pas commencé les jeux. Voilà, la première épreuve, ah oui. L'épreuve du trivial. Et puis, on apprendra un peu plus à connaître notre invité Taz. Et ça sera juste après la pause. Restez avec nous, à tout de suite. Retour, on va se marrer avec Taz. Ouais. Alors, Taz, c'est ton premier One Woman ? Oui, c'est ouais. La une heure en retard encore. Oui, c'est le premier. C'est le premier. Alors ouais. Avant ça, c'était quoi ? Tu faisais du théâtre ? Qu'est-ce que tu as fait avant ? Alors, ça fait 10 ans que je fais du café-théâtre par chez moi avec la troupe des Zygomatiques. D'accord. À Sarry, voilà. D'accord. Et là, en d'un Inde, seul coup... Ah non, Sarry. Pardon ? Sarry, c'est en Inde ? Non, non, Sarry. Du tout. Et donc le One Woman, ça t'est venu comment ? Une envie, une idée Bah, à force de jouer en fait en troupe, bon, on faisait des sketchs, mais des fois je me lançais un petit peu toute seule à faire des sketchs toute seule et ça m'a plu et j'ai eu envie de m'envoler un peu toute seule, mais je continue quand même avec la troupe amateur, mes copains quoi. D'accord. Et donc le spectacle, c'est toi qui as tout écrit ou t'as été aidée ? Comment ça s'est passé ? Ouais, alors je l'ai écrit toute seule, j'ai mis un peu plus d'un an, j'ai fait l'école du bout, l'école de One Woman Show, et puis donc voilà, je l'ai construit tranquillement mais sûrement. D'accord. Et tes inspirations, c'est quoi ? C'est la vie de tous les jours ? C'est seulement les femmes Alors en fait, mon inspiration, c'est justement, je fais plein de petits boulots différents, et à côté de mon vrai métier donc, et du coup je rencontre plein de gens. Et je me retrouve aussi dans des situations des fois un petit peu bizarres. Et donc avec je me sers de qui raconte des histoires pourries. je me sers de ça. Voilà, peut-être. On va voir Maurice. Oui. Ah, oh, il inspire beaucoup d'invités, Maurice. Hein. Oui. Donc je me sers de ça, des situations et des gens que je rencontre. Voilà. D'accord, pour nous faire rire en fait. Exactement. Le but du jeu, c'est de se faire rire. Alors, on peut en savoir plus puisque j'ai vu que tu avais un site internet. Ouais. http://taz donc THAZ. Oui. .i-monsite.com E-monsite.com voilà. Taz, c'est devenu... Et pareil, le prénom Taz, t'as trouvé ça comment C'est le diminutif de mon vrai prénom que je ne donnerai pas, que je n'aime pas beaucoup, et que j'ai depuis mon lycée, en fait. D'accord. Donc ça va plus vite, mon vrai prénom étant très long. Qu'est-ce qui peut être donc, ça y est. Thérèse Tamanoir gris, par exemple, comme prénom, ça doit être sympa. Tamanoir... Ouais. Donc si on veut en savoir plus sur Taz, non, j'ai si château voulez... moi, j'ai pas manoir. Si vous t'as pas manoir. Si vous voulez en savoir plus. Oui, mais si on veut en savoir plus, vous allez sur le site internet. Voilà, tout simplement. Oui, j'ai rien écouté. Moi. Et t'as rien noté. Regarde, non. Site internet. Alors c'est taz.e-monsite.com. Très bien, Maurice. Si tu n'avais pas hurlé dans le micro, ça n'aurait pas été saturé, ça aurait été encore mieux. Mais bon, oui, parce que Maurice, un micro, ça ne se mange pas. Alors dans l'émission, il y a une épreuve qui s'appelle l'épreuve du trivial. J'ai donc tiré au hasard. On a oublié de te dire que Bob est très mauvais joueur. Ah, oui. Mais Fred aussi. Okay. Mais Fred aussi. Hein, donc, donc j'ai tiré au hasard une carte. Deux, ça oui. On sait. Oui, ça, deux au cartes. Hasard, tiré une au carte pour chaque équipe. Oui. C'est préparé à l'avance. Il y a 6 questions par carte. Et but du jeu, répondre à un maximum de questions pour marquer le maximum de points. Ah oui. Alors, faut te signaler aussi que la boîte que Philippe utilise date des années 80. Donc, si on dit quel pays Moscou est la capitale, c'est l'URSS. La réponse. Voilà. Oui, mais c'est quand même la Russie. Donc, j'accepterai les deux réponses dans ces cas-là. Si par malheur une équipe n'arrive pas à donner la bonne réponse, l'équipe adverse peut elle la donner et marquer le point. Et à l'issue de la partie du trivial, c'est l'équipe qui aura marqué le plus grand nombre de points qui marquera le point final, je sais, c'est dégueulasse. T'as oublié de lui dire que s'ils ne savent pas la réponse que il l'a dit. C'est Maurice qui m'a. Alors, il y a également une nouvelle règle. Oh non, c'est quoi encore? C'est une règle qu'on a déjà appliquée plusieurs fois. C'est la règle de la non-consultation. Vous avez la possibilité soit de vous consulter avant de me donner une réponse, soit de balancer direct la réponse. Et là, c'est 2 points. D'accord. Sauf que... Oui. Je crains le Alors Bob, est-ce que je fais choisir à Bob parce qu'il y a toujours des contestations. Parce que sinon il dit que c'est truqué. Alors j'ai la carte numéro. Il l'a déjà dit. Alors Bob, c'est truqué. J'ai la 1, Celle Bob. Qu'il a dans la main droite. Ah oui, on va dire la droite ou la gauche. La gauche. Bon, on va prendre la droite alors. Alors, il faut vous mettre d'accord, sinon vous allez. Non, mais je réponds pour deux points. Bah, prends la gauche. Prends la gauche. Prends la droite. La gauche. Voilà. Bah oui, j'ai dit la droite. Hein. Voilà, c'est bien pour ça. Alors, vous avez, c'est celle-là, hein, Bob. Hein. Ça sera donc non, ça c'est la. Ah oui, ça c'est la gauche. C'est la gauche. Et on va d'ailleurs commencer par l'équipe de Bob et Maurice. Étonnant. Donc si vous me donnez une réponse directe, oui, je la prends telle quelle, hein, sans consultation. Hein. Oui. Attention, pour un maximum de points, Maurice, tu es prêt ? Oui, je suis prêt. Top ! Quel est le surnom du drapeau britannique ? Là, vous consultez, je pense. Hein. Oui, je consulte. Le surnom du drapeau britannique. Tu l'as su, toi, Bob ? Je le sais. T'es en Angleterre la semaine dernière. Je sais plus, je me souviens plus. Je me souviens plus. C'est non, au hasard, Maurice ? Non, moi je sais pas. Alors, moi je sais pas. Bon. Alors, Frédéric ? Ce serait pas l'Union Jack ? Et c'est correct. Union Jack. Quel était le pseudonyme de Norma Jean Baker ? Ça, c'est pour Fred, ça. C'est du cinéma, ça. Ah, c'est une question de cinéma. Merci, hein. ça va te retomber sur la gueule. Oui. Hein. Je sais pas. Oui, surtout quand vous allez. Je sais pas, moi, cinéma, c'est pas. Je passe pas mon temps. Mais qui est Garner et Garner. Norma Jean Baker. Philippe. Ah, bah, c'est Machine, la petite Baker, comment tu l'appelles? Avec ses bananes, là. Joséphine Baker. Joséphine Baker. On va dire ça. Ah, non. C'est pas ça. Bah, Poupoupidou. Marilyn. Bah oui, c'est Marilyn Monroe. Oui, ça, c'est une question pour toi. Qui a aboli l'esclavage dans les colonies françaises? Bernard Kouchner. Non. Ça aussi, on sait, c'est un député pendant la Révolution. Ouais. Et Napoléon l'a remis en revenant au pouvoir. Son nom, je sais pas. Encore. Tu sais? Non. On sait pas. Victor Schoelcher. Correct. Qui a été trempé dans le Styx? Les Toons dans Rabbi Jacob? Les Toons dans Rabbi Jacob. Ah non, dans qui veut la poudre Les Toons dans Rabbi Jacob. Ah, non, mais ça, c'est la trompette. Ça, c'est autre chose. C'est Roger Rabbit. Oui, c'est Roger Rabbit, la trompette. Oui, la trompette, c'est Roger Rabbit. Non, je sais pas. Dans le Styx. Je sais pas, aucune idée. Mais si, il y a juste un petit bout. Je sais pas. Il sait pas. Je sais même pas ce que c'est que le Styx. Ben c'est Achille. Il a été trempé sauf par le talon. Oui. Ah non, mais ça, c'est dans une source où il a été trempé. Dans le Styx. Ah oui, c'est le nom de la rivière. Ben voilà. Alors, qu'est-ce que la myxomatose ? Regarde Bob. Ben, c'est une maladie qu'on a donnée aux lapins pour les tuer. Vous vous consultez pas ? Pas la peine. Non, c'est en direct. C'est correct. Deux points. Qui a fait un arbitre c'est une maladie qui a fait couler des bateaux. Non, c'est bien. Alors là, je ne veux qu'une seule réponse. Ah oui. Oui ou non. D'accord. Un arbitre de football peut-il avoir moins de 18 ans? Oui ou non? 1981. Attends, mais il faut préciser, dans les matchs d'adultes. Oui, matchs d'adultes. Je pense qu'on ne se consulte pas. Oui, oui. Il ne peut pas avoir moins. Il ne peut pas avoir moins. Exact. C'est une bonne réponse. Deux points. Ah ouais, non, il fallait répondre non, Philippe. Je suis désolé. Oh, si, la réponse est bonne. On peut pas la réponse était non. Qu'est-ce que je lui lance? Le malin. Mais ils se sont pas consultés. On s'est pas consulté. D'ailleurs, je l'ai dit, on ça se consulte pas. Ça fait 4 points qu'on a. On a 4 points, ouais. Ah, oui. Nous aussi, hein. Oui, bah, c'est pas grave. Alors oui, 4 partout. À vous. Donc, deuxième carte, c'est cette fois-ci pour l'équipe de Fredo Taz. Alors, tu me fais signe, hein. Si tu sais, tu me fais signe, je me tais. Maurice. Ça va pas, non. Top. Quel pays a vendu les îles Vierges aux USA en 1917? Je sais même pas où c'est les îles Vierges. Aux USA? Oui. Quel pays a vendu les îles Vierges aux USA en 1917? Moi, je serais tenté de dire la Russie. C'est pas les trucs qui sont au nord, hein? Je sais pas où c'est. non. Allez, la Russie. Non. Non. L'Allemagne. Non plus, c'était le Danemark. Ah. Quel film. Oui, mais attends, mais il y a quelque chose de pourri au Royaume du Danemark. Ça, c'est de la culture, tout le monde voit. Quel film d'Erik von Stroheim a été élu en 1958 l'un des 12 meilleurs films de tous les temps. Ça, c'est pour Fred, hein. Oui, oui, oui. C'est un film qui doit être classé à la Cinémathèque entre, oui, entre je... Max Pekka. Non, si c'est pas ça. Oh. Ah, dis donc. Alors là, si tu sais pas ça. Est-ce que tu sais, toi? Oui. Oui. Derek von Stroheim. Non, non, mais je sais qu'il a réalisé un film très important dans l'histoire du cinéma, mais ça me revient pas. Non, ça, ça va pas. Et je ne sais pas non plus. Hein. Ça va pas me revenir. Non. Bob. Alors, je me souviens plus du titre. Non, mais il va m'aider. Ça se passe. C'est des prisonniers français. Lui, il fait le rôle d'un Allemand. Il est une Minerve. Non, c'est pas ça. Si, si, c'est ça. Non, mais il joue dedans, mais c'est pas. Il joue dedans, mais c'est non, lui qui. L'... Mais non. Et c'est. La Grande Illusion. La Grande Illusion. Mais c'est la voilà Grande ce Illusion, mais c'est Renoir. Non, c'est Les Rapaces. Ah, ah c'est un film bah d'espionnage. Non, bah ça ne sera pas. Oui, mais est-ce qu'il passe et il rapace? Oui. Qui a été surnommé le petit caporal? Le petit caporal? Une question d'histoire. Bah, Napoléon Bonaparte. Vous ne vous consultez pas ou... bah, non. Moi, je pense que c'est ça, ouais. Ouais, oui. Non, ouais. C'est correct. Ouais. Quel personnage de Daniel Defoe oui, se faisait servir par Vendredi? Robinson Crusoe. Oui, oui, bah oui, là j'ai pas besoin de rien. Ah bah Daniel de... Tu me disais juste Daniel Defoe déjà. Comment les Américains appellent-ils les hommes qu'ils envoient dans l'espace? Les astronautes. C'est ça, oui. Les cosmonautes, c'est les Russes, et les spationautes, c'est les Européens. C'est correct. Et quelle était la spécialité de l'athlète ougandais John Akibua? Ah. Le boat people. C'est John Akibua. Non. Aucune idée. Bob. Course de fond. Non. Course, non. Le 10 000. C'était le 400 mètres haies. Ah. Ah oui, non, c'est pas. C'était pas mal, c'était pas mal. Alors. Et quand même, à l'issue de cette partie, alors comme il y a eu beaucoup de réponses directes sans consultation, forcément, ça fait monter la mayonnaise. Donc, Bob et Maurice, l'équipe de Bob l'éponge, avait marqué 4, t'avais donné 4 bonnes réponses. Ouais, c'est pas mal. C'est déjà, pas mal quand même, hein. 3 et 3, 6, 7, 8. Et mais 10. Mais Jack, j'aurais dû répondre. 10. Ah, mais on voyait parvenu. Que tu l'avais, ah, hein. Je l'avais, ouais, mais. 10. 10 pour l'équipe Fred Otaz. Ah, c'est bien. Et oui, donc c'est eux qui marquent oui, le point. Mais qu'un point. Marque c'est un gros point. Oui, non, mais là, je dirais rien pour cette semaine. Oui. Car c'était à peu près équilibré. Ah. On n'a pas répondu à des questions qu'on connaissait. Oui. Donc on s'est fait sanctionner et c'est bien fait pour nous. Donc là, il n'y a pas de réclamation. Non, alors. Pas du tout. Bon. Mais dis donc. Pas pour cette fois, c'est incroyable. Bob devient beau joueur. Mais... Il va neiger. Oh là là. Ah non, oui. Arrête. Non, c'est fait déjà. Alors juste après la pause, Taz va être sollicité pour un petit extrait du spectacle. Pourquoi pas? Allez, restez avec nous. On revient avec Taz. Retour au Basse-Marais avec Taz. Ouais. Elle résiste, elle nous tient compagnie toute la soirée avec Maurice qui, bien entendu, comme chaque semaine, nous a préparé des petites blagues inédites. Bien sûr. Zidane. Et avant d'avoir les blagues inédites de Maurice, je propose Zidane. Quand même que... Quoi tu dis? Qu'est-ce que tu rajoutes derrière les Maurice? Les blagues inédites Zidane. Ah, oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Ah ben j'essaye de me mettre à son niveau. Hein. Oui, oui. Ah voilà, c'est ça. Donc, je pense qu'on pourrait solliciter. Ouh là. Ah bravo. Non, ça peut dire bravo. Ah, bravo. C'est bien. Mesdames, messieurs, Philippe Bello. Je pense qu'on pourrait solliciter Taz. Ah, c'est pas facile à dire solliciter Taz. Non, c'est pas facile. Solliciter Taz. Demander de monter sur la scène dont on va se marrer. Eh, Philippe, ah, je oui. Serais toi, j'aurais la honte, Maurice arrive à le dire. Ah oui. Solliciter Taz. Ah. Il est tellement content qu'il va dire que ça. Maintenant. Toute la soirée maintenant, oui. On va solliciter Taz. Bien. Si quelqu'un peut enlever les piles. Non, on va lui couper son micro. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire, Maurice, maintenant? On va solliciter Taz. Et elle va lui demander de monter sur la scène dont on va se marrer pour un extrait du spectacle. Oui, mais pour ça, oui. On va solliciter Taz. Allez, à l'extrait du spectacle de Taz. Taz. Les enfants, votre mère vient de partir et vous a confié à moi. Alors, pas de conneries. Le premier qui bronche, ça va chier. Vous avez 12 mois maintenant. Alors, règle numéro 1. On ne chiale pas pour rien. Maxime, c'est souvent. Le gynéco de ta mère a dû se tromper. L'accouchement, tu n'arrêtes pas de chialer comme une gonzesse. Règle numéro 2. On ne remplit pas sa couche. Théo, si tu continues à chier dedans, je te la remets demain. Tu as compris? Règle numéro 3. On ne joue pas avec le god à tata. Adrien, que je ne te gaule pas encore en train de te faire les dents avec. Ce n'est pas à toi. Ce n'est pas à toi. Règle numéro 4. On ne touche à rien dans la maison. Le premier que je prends en train de s'agripper à un meuble pour ne pas tomber ou essayer de marcher, je lui fous des moufles. Enfin, si tout se passe bien, vous aurez le droit d'aller voir mamie. Dans l'urne, sur la cheminée. Qui a des questions? Personne? Très bien. Quoi? Oh. Oh. Il a dit tata. Bon. Alors c'est tataze, en fait. Il a dit tataze, oui. Ça, ça veut dire que de temps en temps, tu gardes des petits-enfants. Exactement. Mais t'es pas comme ça, je suis sûr, avec... Non, non, non. Ça, non, c'est non. Que pour le pestacle. Oui, voilà. Enfin, en fait, je me suis beaucoup inspirée de ma tante. Je suis désolée, tata, si tu veux m'écouter un jour. Mais j'ai amplifié la chose, quand même. Ah. Oui, oui, oui. Ah, ah bon. Et si tu veux, parce que c'est pareil, hein, garder des vieux. Oui, on en a. Oui, bah c'est les mêmes histoires avec la couche. Voilà, tout ça, c'est pareil. Bon, alors, bah, vous l'avez compris, hein, si vous voulez rire, c'est Taz. Prochainement dans votre ville, on vous le souhaite. Pour en savoir plus, son site internet, Maurice. Oui. Ah, oh, mais tu l'as pris des pourvus. Maurice, toujours prêt. Voilà, Maurice qui nous sort les flyers des invités depuis un an avant de retrouver celui de Taz. Oh la vache. Mais qu'est-ce que t'en as fait, Maurice? Là, ouais, voilà. Ouais, ça y est. C'est alors le site internet. Oui, à l'endroit, c'est mieux. C'est taz.e -mon-site.com. Voilà. Comment, oui, il disait De Gaulle déjà? Oui, c'était pas la vieillesse. La vieillesse est un naufrage, voilà. C'est ça, oui, c'est ce... Quoi, c'est ça le site? Mais oui, oui, oui. Voilà. Ce qui est important, c'est le petit tiré. Oui, on ne l'a pas dit. Ah oui, et vas-y. Si tu ne le mets pas, votre email est non valide. Ah, ouais. Mais là, ce n'est pas un email. J'ai un email dans ma ruche. Voilà, oui. Dans ma ruche, oui. Alors, Maurice, est-ce que tu as reçu, justement, à propos d'email, d'autres blagues de téléspectateurs dont ton adresse email? Oh, non, bien sûr. Non, attends, c'est filmé? Ton adresse email? J'ai pas dit, oui, des téléspectateurs. C'est radio.ovsm@gmail.com. Et quoi? Et t'as reçu un mail? Ah oui, j'ai reçu de Lucas de... Il habite où, celui-là? À Château-Thierry. Ah, c'est très bien, Château-Thierry. Oui. C'est la banlieue de la Marne, ça, non? Non. Ils vont être contents, la banlieue de la Marne. On est diffusé à Château-Thierry. Oui, on nous écoute, oui, on a beaucoup d'auditeurs à Château-Thierry. Alors, qu'est-ce qu'un petit canif? Un petit... Attends. Déjà, pose la question. Non, tranquillement. C'est une devinette. Alors, tranquillement, vas-y. Qu'est-ce qu'un canif? Attends, parce que je lis le commentaire en dessous qui me fait rire. Mais raconte ta blague. La blague d'abord. Qu'est-ce qu'un canif? Qu'est-ce qu'un petit canif? Vous ne savez pas? Non. Un petit fien. Voilà. Oh, là, tu l'as bien fait. C'est bien, là. Un petit fien. Est-ce que tu as expliqué, Maurice, pourquoi, à Taz, pourquoi tu parles toujours de ton adresse e-miel? Ah oui. Non, je ne sais pas pourquoi. Comment ça, tu ne sais pas pourquoi? Attends. Tu ne sais pas pourquoi? Bah écoute. Fais pas ta comme ça, hein. Deux abeilles discutent. Oui. J'ai internet dans ma ruche. Chouette Donne-moi ton email. On n'a rien compris. Tu vois, je t'avais dit qu'il la foirerait. On n'a rien compris. Mais non, c'est normal. Bon, alors refais-la. Refais-la. Ton email. On fera les surprises. Alors Maurice, une petite blague. Bon alors c'est quoi comme histoire? Alors, allez, vas-y Maurice. Fais une petite voix parce que c'est mignon. Allez. Deux abeilles discutent. Deux abeilles, d'accord. Oui. J'ai internet dans ma ruche. Ah. Chouette, donne-moi ton mail. Mais non. Oh. Ton, ton alors, miel. Ton miel. Je viens de la comprendre. Donne-moi ton adresse e-miel. Voilà, donne-moi ton adresse e-miel. Allez, voilà. Bon, alors on la refait. Allez, hop. Tu feras une couture. Hein, oui, oui. Alors, Maurice, oui, raison, je crois que tu as une blague originale à nous faire. Oui, deux abeilles discutent. J'ai deux. Oui. Pourquoi tu dis pas l'une dit à l'autre? Voilà. Oh, ah, c'est si, ça, si, faut si, le deviner si, quand même. Si. Alors, Maurice, mais c'est pas écrit. Maurice, une c'est pas écrit, oui. Maurice, une petite blague. Alors, l'une dit à l'autre. Ah ben non. Alors, ah ben non. C'est une catastrophe. Même en Suisse, ils vont plus vite. Je veux faire honneur à notre invité. Ah, ah bah, très oui, bien. Non, alors, Maurice. Non, là, tu l'embarrasses pour l'instant. Maurice. Les abeilles discutent. L'une dit à l'autre. J'ai internet dans ma ruche. Chouette. Donne-moi ton email. Mais non. Ton adresse e-miel. C'est pas drôle sinon. Un collector de plus. On la refera la semaine prochaine. Oh, non, non, non, non, non, non. Moi je la veux correcte. Ah, comment oui, veux-tu que je la diffuse? Surtout qu'elle est pas, elle est alors pas non, possible. Moi je suis désolé. Alors. Mais là je pense qu'on tient à un moment d'autologie. Attends, comme tu le verras, il y en a une autre. Ah oui, non, il y en a cinq autres. Non, alors Maurice. Oui. Bon, on va... Tu es en train, Barnabé, tu es en train d'assister à quelque chose d'exceptionnel. Même les frères Bogdanov, ils n'ont pas trouvé ça. Alors, Maurice, Maurice, une petite blague. Ça, comme ça, il va pouvoir faire des archives, hein, quand même. Non, là, non, on va tout couper pour que ça, pour pas non plus te ridiculiser à l'antenne. Ça soit propre. Oui, après, il y a des plaintes. Ouais. Alors, Maurice, une petite blague. Attends quoi? Allez, quoi? Allez, Maurice. Allez, Maurice. Allez, Maurice. Allez, Maurice. Allez, Maurice. On pourrait commencer en disant c'est Maya l'abeille. Ah, voilà. Maurice, j'ai une nouvelle blague de Maya l'abeille. Ah, c'est pas vrai. Ah, si, elle est mignonne comme ça. C'est deux cousines qui se rencontrent. Deux cousines, de quoi? D'abeilles. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Si c'est Maya l'abeille. Oui. Et c'est qui? Et comment elle s'appelle sa cousine? Il y en a une qui dit j'ai internet dans ma ruche. Ah, chouette. Donne-moi. Oui, oui. Donne-moi quoi? Non, attends. Non, attends. C'est toi qui sais. Hein. Allez, allez. Tony. Tony. Miel. Bon, on arrive en temps. On n'aura pas mieux. Oh là là, et quand tu veux. Et il y en a les archives. Hein. Moi, tu sais, je connais un bon écarisseur. Hein. Oui. Oui. Mais au moins le jour où, le plus tard possible, Maurice ira rejoindre les anges, on peut faire une spéciale avec toutes ces blagues. Hein. Ah oui, pendant une semaine. Oh là là. Un mois même. Enfin, n'exagérons pas non plus. Oui. Bon. Les soldes, ça dure un mois. Parce que là, c'est les soldes, hein, des blagues. Alors, juste après la pause, ouais, une épreuve, encore ouais, une. L'épreuve. Qu'est-ce qui va nous sortir? La course aux mots. Qu'est-ce que c'est? Ah oui. La course aux mots, les petits mots. Ah, je crois que c'était la Gay Pride. Ah, juste après la pause, c'est toujours avec Taz. Retour, on va se marrer. C'est le problème de Maurice, il part toujours trop vite. Avec Taz. Ouais. Ouais. Alors, il y a des points à marquer, Taz, dans l'émission, et on a un jeu qui s'intitule la course aux mots. Ah. Donc. Attention à ne pas confondre. Hein. Voilà. On ne parle pas de Maurice. Les réponses arrivent par derrière. Alors. Donc, en fait, je vais chacun à votre tour vous poser des questions. Questions de connaissance générale. Oui. Si vous répondez correctement, vous gagnez un mot. Si vous ne répondez pas correctement, c'est l'équipe adverse qui gagne un mot. Un mot. Ces petits mots sont des informations pour essayer de vous faire découvrir une ville. La première équipe qui pense avoir trouvé le nom de cette ville dit top, hop, hop, hop, donne, oura, donne ces mots. Enfin, ouri, ouri. Hip hop, hip hop. Voilà. Donc, top, donne ces mots et donne la ville. D'accord. Si c'est la bonne réponse, le point est marqué. Sinon, l'équipe adverse peut profiter des mots et donner sa réponse. Ah bah oui. Donc nous allons commencer. C'est dommage Taz. Que vous ne soyez pas à la télé, parce que moi, il me fait penser à un homme politique qui a de très hautes responsabilités en France. Hein oui, alors, si vous n'avez pas le premier mot, hein, je vous donne le deuxième mot. Il est comme... Un petit peu. Ouais, c'est son cousin. Donc, nous allons commencer avec Taz et cette première question. C'est parti. Dans quelle ville se trouve le pont des Soupirs ? Venise. À Rome. Mais c'est pas pour toi, Maurice. À Rome, à Florence ou à Venise ? Ouais, c'est Venise. Bah oui. Et oui, et c'est bien Venise. Donc je donne un premier mot à Taz. T'as compris là maintenant ? Voilà. Et maintenant c'est pour Frédéric. Où c'est pas personne. Où travaille Homer Simpson ? Au stade ? Dans une centrale nucléaire ? Ou dans une épicerie? Mais pourquoi tu fais Stéphane Bern? Dans une centrale nucléaire. Bon, allez hop, le mot est gagné, évidemment. Deuxième mot. Bob, sous quel pape Michel-Ange a-t-il peint la première partie du plafond de la chapelle Sixtine? Jules II, Paul III ou Clément VII? Non, Clément VII, c'est les... Jules II, je vais dire. C'est une bonne réponse. Ouais, j'ai dit au hasard. Clément VII, c'est les Maurice. Les Templiers. Comment a été surnommée la célèbre Fiat 500 à la fin des années 50? La petite souris, le pot de yaourt, dis donc, ou la coccinelle? Non. Parce que Bob a soufflé. Non. La petite souris, le pot de yaourt ou la coccinelle? La petite souris. La petite souris. Qui nini. Qui fait nini. Et là, c'était le pot de yaourt. Ouais. En quelle Taz top. Ah, top. Top. Alors vous nous donnez vos mots avant de donner la réponse, évidemment. Hein. Alors. C'est Montpellier. Mais vos mots. Ah, les mots. Occitan, fraîche et mont du pastel. Montpellier. Eh bien oui, c'est Montpellier. Bonne réponse, et oui. Bah oui. Nous, on a Saint-Roch. Et toi, Bob, t'avais quoi? Saint-Roch. Saint-Roch. Oui, c'est le saint patron de Montpellier, Saint-Roch. C'est impossible. Voilà, et ben, le point est marqué, bravo. Hein, vous avez vu. Qu'est-ce qui vous a mis le fraîche, la... Oui, fraîche. C'est fraîche, évidemment, oui. Ça a douté. Bon, eh bien, puisque vous avez joué brillamment et que vous marquez le point, vous allez pouvoir entamer la prochaine tournée de blagues. Ah. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Alors, Taz. J'en ai trouvé une tout à l'heure. 40% des accidents sont provoqués par l'alcool. Ce qui veut dire que 60% des accidents sont provoqués par des buveurs d'eau. Mais c'est énorme, hein. C'est incroyable. Allez, Paul. On tourne dans quel sens? C'est toi. Ah, pardon. Alors, c'est, on n'est pas écouté en Corse. Non, ça va. Alors, c'est aux zoos en Corse. Et il y a un type qui pleure. Mais la corsette. Qui pleure. Celle-là, tu l'assumes. Qui pleure. Il y a un passant, qui lui dit bah, qu'est-ce qui vous arrive, mon pauvre monsieur? Bah, je travaille au zoo et l'éléphant, il est mort. Oh, mon pauvre, oui, c'est triste. Vous l'aimiez beaucoup, hein? Non, mais c'est moi qui dois creuser sa tombe. Alors, c'est une famille qui est en train de déjeuner. Il y a la petite fille de 10 ans qui mange pas beaucoup et elle a le nez dans son assiette. Puis au bout d'un moment, elle dit « J'ai quelque chose à vous annoncer !» Ah ! Oh, il y a silence, une mouche vole. Ah. C'est la mouche qui pète. On t'écoute. Voilà. Je ne suis plus vierge. Et elle se met à pleurer. Oh, il y a un long silence, puis il y a le père qui s'adresse à sa femme. Et voilà. Et ben voilà. Et ça, c'est ta femme. Toujours habillée, maquillée comme une pute. Tu crois que c'est un exemple pour ta fille, la petite. Ah, bah oui, regarde. Toujours à te vautrer sur le canapé, la chatte à l'air. Mais c'est lamentable, c'est élégant, je te le dis. Mais c'est comme ça que les problèmes, ils arrivent. C'est lamentable. Puis alors, surtout, il y a la bonne femme qui s'adresse à son mari. Quoi? Quoi? Ben et quoi? Et toi? Oh. Tu crois que t'es un exemple? À gaspiller ta paye avec des pétasses qui viennent parfois te raccompagner jusque devant la maison, à te sucer sous le paillasson. Tu crois que c'est bien pour ta fille? Sous le paillasson? Et oui. Et le père, eh? Et la grande sœur, là, la grande sœur, connasse, t'as rien. C'est quoi cette famille? Avec son copain drogué. toujours en train de se tripoter, blablabli, et baiser dans tous les recoins. Ah mais bah tu crois que c'est un exemple pour ta petite soeur de 10 ans, ça? Et puis il y a la grand-mère qui s'en prend à la petite. Oh, viens, ma petite, viens voir mamie. Mais comment ça t'est arrivé, tout ça? Comment ça t'est arrivé? Eh ben, mamie, c'est le curé. Quoi? Le curé, cet enculé de curé, oui, il a choisi une autre fille pour faire la vierge dans la crèche de Noël. Oh non, mais bravo. Hein. Allez, non. Lui et elle sont dans un lit. Lui. Moi, tu sais... 5 cm de plus, et je serais le roi. Elle. Oui, mais enfin, 2 cm de moins, tu serais la reine. Oui, c'est à moi. Eh oui. C'est quoi un chou dans l'eau? Un chou dans l'eau? Oui. Ah oui, je sais. Un chou marin. J'ai un flash là. Une espèce de flashback, je suis dans la cour de l'école primaire et on racontait cette blague-là. C'est pas vrai. Maurice l'a raconté déjà. Tiens, allez, une blague d'auditeur. L'adresse email. L'adresse email, Maurice. Alors, c'est radio.ovsr@gmail.com. Non, ouais. Dis-le correctement, que les gens aient le temps de le noter. Allez. radio.ovsm@gmail.com. Parfait. Voilà, envoyez vos blagues à Maurice. Une petite blague qui t'a envoyée par qui? De Monique. Celle qui rit. Non. Pas celle-là. Elle est d'Aubagne, celle-là. Ah bon? Non, c'est pas la même. Elle rit pas à Aubagne, les Moniques? Alors, qu'est-ce qu'elle t'a envoyé? Ah, donc, c'est une blague qui vient de Cayenne. Pourquoi? Parce qu'elle est au bagne. Deux perchistes parlent lundi à l'autre. Ah là, Maurice. Je suis sûr qu'il y a des points. Oui. Je suis sûr qu'il y a de la ponctuation. Non, pas du tout. Eh ben, il fait comme si. Là, alors. Hein. Deux perchistes parlent, virgule. Voilà. Lundi à l'autre. T'es sûr pourquoi lundi que... Pourquoi forcément le lundi? Ça a une importance dans lundi à l'autre. Oui. Il lit. Hein. Quel est le connard qui a envoyé ça encore? Monique Daubagne. Ah, c'est Monique Daubagne. Allez, une auditrice en moins. Allez. Allez. T'es sûr que tu peux sauter tout ça? L'autre répond, je persiste, je signe. Non. Non, non. Je persiste. Oh la vache. Oh là là. Ah, ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Oh là là. Allez, non, bah, t'es obligé de recommencer, Maurice. Oui. Deux perchistes parlent lundi à l'autre. Mais non, mais Maurice, il y a un point. Mais pas une virgule. Mais rajoute-le. Deux perchistes. Deux perchistes parlent lundi à l'autre. Non. Deux perchistes parlent. Deux perchistes. En plus, pour toi, c'est perchistes maintenant. Deux perchistes. Perchistes, ça l'a plus blanc. Arrêtez, stop. Allez. Coupez. Deux perchistes parle. Non. C'est pas après deux perchistes qu'il faut mettre le point. Deux perchistes, virgule. Parle, virgule. Deux perchistes. Parle. Là. Lundi ou mardi à l'autre. Et vendredi, non, mais on fait rien. C'est pas possible. C'est pas possible. Et vendredi, on fait rien. Oh, mais je sais pas. Mais là, la blague est incompréhensible. Alors, deux perchistes parlent. Oui. Lundi à l'autre. Oui. T'es sûr que tu peux sauter tout ça? L'autre lui répond. Je persiste et non. Mais non, sinon elle est pas drôle. De toute façon, elle est pas drôle. Mais voilà. Je perchine. Eh oui. Je perchine et je signe. De perchine. Oui. Je persigne, il y a marqué je persigne. Non, je perce. Shit. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Non, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il y a écrit, Bob? Non, mais Bob, dis-nous ce qu'il y a écrit. Je persiste. Ou dans le micro, Bob. Ah, je persiste. Voilà, et voilà. Voilà, alors vas-y, refais là. Alors, vas-y. C-H-I-S, tu dis ça comment? Reprends un coup parce que ça m'énerve. Ça met la pépille, là. Reprends un coup. Je persiste. Alors, Monique t'a envoyé une petite blague. Oui, d'Aubert. Au début, tu me dis mal à la fin. Eh oui, vous me c'est troublez. Le même mot. Tu me troubles. Encore. Mais moi, tu me troubles. Après pas, toutes ces années, il te trouble encore. C'est beau. C'est beau. C'est beau l'amour. Allez, Maurice. Deux perchistes. On a Taz qui est avec nous. Tu pourras un effort pour elle. Pour toi. Ouais. Allez, vas-y, adresse-toi à Taz. Allez. Alors, cher Taz. Oh, arrête. Oh, mais allez. Si, quand même, attends. Mais si, parce qu'il faut toujours solliciter Taz. Il ne faut pas lui donner des mots en plus, il n'y arrive pas. Mais laisse-le, il a été bien parti. Cher Taz, deux perchis parlent l'un dit à l'autre. T'es sûr que tu peux sauter tout ça? L'autre lui répond, je persiste et je signe. Oh, oh là là là là. Quand tu impliques les invités, voilà, ça marche. Oui, ça marche, oui. Bon, alors bon. Il s'est repris à 5 fois quand même. Quand même, ça sera coupé. Dans quelques instants, on revient avec une nouvelle épreuve. Ah. Le dicton. On l'a jamais fait, c'est nouveau. Oh, nouveau. Oh là là. Moi j'ai peur quand il nous fait des nouveaux. Mais c'est une escalade de nouveaux jeux. Et toujours avec Taz. Restez. Retour, on va se marrer avec Taz. Et son spectacle 100% féminin. Ah oui. Mais alors, est-ce que c'est dans le spectacle, ça veut dire qu'il y en a que pour les filles? Ah non, pas du tout. Non, c'est très personnel en fait. Parce qu'on me dit bonjour monsieur tous les jours. Non. Voilà, tout simplement. Bah, tu t'apprêtes pas Taz. Tu t'apprêtes Tazette par exemple, pas de problème. Mais là, Taz. Non, c'est bonjour, hyper monsieur. Physique en fait. Donc je me sers de ça et de mon vécu. Voilà. Faut bomber le torse quand t'avances. Voilà, exactement. Voilà. Non, mais l'autre fois, en fait. L'autre fois, par exemple, j'étais en boîte et le mec, il s'est retourné. J'étais avec mes copines. Il m'a dit, ah, toi, t'as du bol, t'es un vrai coq, hein. Donc, tu vois, là, voilà, tu vois. Et donc, j'ai bombé le torse. Le mec, j'ai pas compris. Il était tout rouge. Il s'est retourné. Il a l'air con. Faut dire que sur ton affiche, tu fais une grimace aussi. C'est fait exprès. Ah, d'accord. Sur ton affiche, ça fait très intelligente. On dirait la photo du permis de conduire de Maurice. C'est-à-dire que la couronne que j'ai dans la tête, c'est parce que j'ai été première dauphine par chez moi, mais il y a longtemps, j'avais 16 ans, j'avais les cheveux longs. Ah voilà. C'est en hommage à ma mère qui m'a forcé un peu à le faire. Voilà. Parce que Maurice aussi, il a été première dauphine, mais la voiture, lui. Oui, c'est vrai, il a eu la première. C'est après la libération, ça. Mais Maurice, écoute. Il y a des conneries, Bob. Bah si, ils te l'ont donné parce qu'ils s'étaient trompés, ils t'avaient rasé à la libération. C'est drôle, En dédommagement. En dédommagement, oui. Maurice, pourquoi t'en en balances pas un peu à Bob aussi? Non, mais laisse-le, ça lui fait plaisir. Puis la différence entre Maurice et Bob, c'est que Bob ne boit pas d'alcool. C'est vrai. Alors j'ai ça, c'est pas faux. J'ai un nouveau jeu. Eh ben, on n'est pas dans la merde, tiens. Qui s'intitule Le Dicton. Le Dicton. Un jeu très facile, en fait, voyez, le dicton que j'ai dans ce que j'ai dans la main, c'est un dicton. D'accord. Donc des mots d'accord. qui composent un dicton. C'est-à-dire que en préparant l'émission, tu fais du découpage. Mais là, voilà. Donc je vais simplement vous donner des mots au fur et à mesure de. Pas de trouver la suite, il faut trouver le dicton. Tu te rappelles d'un mec qui s'appelait Guy Lux, hein? Quand il expliquait ses jeux, personne ne comprenait rien. C'est Philippe. C'est Philippe. Philippe et son fils caché. Et donc pour que ces mots. Ne tombe pas comme un cheveu sur la soupe, c'est le cas de le dire. C'est un dicton. Eh ben, vous l'avez trouvé. C'en est un. Je vais donc vous poser des questions, d'accord. les uns après les autres. D'accord. Chaque bonne réponse, je vais dévoiler un mot. Je vais le dévoiler aux deux équipes en même temps. À la cantonade. Donc, Maurice, première question, c'est pour toi. Allez. Combien de fois les États-Unis organisèrent-ils les Jeux Olympiques d'hiver? 4, 2 ou 3 fois? Moi, je dirais... 2. Ça gruge, là. Tu dis 2 et c'est 4. Tu dis que des conneries. Pas de mots. Qui détient le record de la traversée de l'Atlantique en solitaire, Bob? Sens est-ouest. En avion ou... Franck Camas, Laurent Bourgnon ou Francis Joyon? Ah, je crois que c'est Bourgnon quand même. Et c'est Joyon. Toujours pas de mots. Il y en avait un qui s'appelait Bourgnon? Oui. Mais j'avais Bourgnon aussi. Dans quelle équipe de basketball? Pour qui? Pour toi. Ah. Joie Magic Johnson. Les Chicago Bulls. Les Chicago Bulls et c'est les Los Angeles Lakers. Ah bah tu vois, je t'avais dit. Ah oui. Quelle est la longueur d'un mile nautique? 1852. D'un mille nautique. 1852 mètres, 1912 mètres ou 1609 mètres? Le premier. Il y a les deux miles. 1600 le premier, et 1800, c'est ouais. des bonne de... réponse. Voici le premier mot. Comme. Comme. Comme, comme poser. Un garçon, je l'échappe. On cherche un dicton. Hein. En quelle année la prison d'Alcatraz ferma-t-elle ses portes, Maurice? 1960, 63 ou 1951? Moi, je dirais 51. Et c'est 63 qu'elle a fermé cette prison. Bob, la dérive des continents date de la fin de l'ère Permienne, Jurassique ou du Crétacé? Non, Permienne. Bonne réponse, Bob. Alors, un deuxième mot. C'est lait. Dans quel état se situe la réserve d'or des États-Unis de Fort Knox? Alors, lait, L-E-S. Hein. L-E-S, oui. L-E-S. Kentucky, Caroline du Nord ou Montana, Fred? Caroline du Nord. C'était le Kentucky. Moi aussi, j'aurais dit Montana. Ouais. Alors, Taz, quel est l'instrument de musique principal joué dans le tango? La flûte, la guitare ou le bandoneon? Le troisième. Le bandoneon. Un deuxième, un troisième mot. C'est apostrophe. C'est comme les. Quand Maurice. Oui. Quel est le système d'évaluation des joueurs au jeu d'échecs? La règle de Bug, le classement Elo ou la loi de Pion? La loi de Pion. Bah non, celui-là faut l'enlever. C'est forcément pas ça. C'est le classement Elo. Oui, c'est forcément pas ça. Ça c'est le piège, le Pion. Le Pion, tu sais, c'est une pièce. Oui, Bob. Qui incarne John McClane dans Piège de cristal? Harrison Ford, Alec Baldwin ou Bruce Willis? Bruce Willis de qui a le mot? C'était et dur. Et le mot de Bob venait pas. C'était dur. C'est quoi le mot de Bob? Q-A-N-D. Vous allez les mettre ensemble pour pouvoir trouver votre. Non. Non, qui succéda au record du monde de Pietro Menea, Fred? Marco Pantani, Michael. Marco Panzani, notre copain? Michael Johnson ou Juan Manuel Fangio? Fangio. Et c'est Johnson. Aïe, aïe, aïe. Taz, quelle est la dernière version commercialisée sous le label MS-DOS? Le 6.22, le .8 ou le 5.0? Gros pif. Non, le .8. Non, Bob, t'aurais dit quoi? Je répète, c'est un chiffre. Eh bien, le .8, c'est une bonne réponse. Ouais. Voilà, Taz a son mot qui spaghetti. Est spaghetti. Dans c'est quelle ville spaghetti. Dans quelle ville se trouve le pont des soupirs, Maurice? Venise. Oui, parce qu'on l'a déjà eu tout à l'heure cette question, il me semble. Hein. C'est deux fois c'est. Quel explorateur cartographia pour la première fois la Nouvelle-Zélande, Bob? Livingstone, Cook ou Amundsen? Cook. Et c'est une bonne réponse. C'est. Encore. Il bégaye. C'est un truc qui bégaye. En quelle année eut lieu la dernière éruption du Vésuve, Fred? 79 après JC. Jacques Chirac. 115 avant JC. Ou 258 après JC? 258 après JC. Et c'est 79 après. Donc pour Taz, le nombre 89 est-il un nombre premier? Oui ou non? Allez, oui. Oui, c'est un nombre premier. Un mot pour Taz. C'est mou. C'est quoi? Mou, pardon. Mou. Vous n'avez toujours pas le dicton? C'est comme les spaghettis, c'est quand c'est mou. Non. Quel cheval possède le record de victoire dans le prix d'Amérique, Maurice? Ourasi, Bellino 2 ou Ténor de Bonne? Ourasi. Oh bah tiens, Maurice. C'est quoi le mot? Cuit. Et mais toujours pas la dicton là. Ben non, mais c'est un vrai dicton ou c'est oui, c'est un vrai dicton. Non, c'est un vrai dicton. Je connais pas de dicton avec spaghetti dedans. Alors, quel est le nom de l'ordinateur qui a battu Garry Kasparov en 97 en match officiel? Deeper Blue, Deep Blue ou Deep Junior? Deep Blue, je crois. Deep Blue, c'était Deeper Blue. Ah, et alors, Fred, dans quel pays est né Greenpeace? En Nouvelle-Zélande, aux Pays-Bas ou au Canada? Aux Pays-Bas? Non, Nouvelle-Zélande. et c'est aux Pays-Bas, donc une bonne réponse. L'amour. Voilà, et donc j'ai donné tous les mots qui composent ce dicton. L'amour c'est comme les spaghettis, quand c'est cuit, c'est mou. C'est ça, ouais. C'est ça que... Non. Quand c'est mou, c'est cuit. Quand c'est mou, c'est cuit, bien sûr. Eh bien oui. Et c'est un vrai dicton, ça. Oui, oui, c'est un vrai dicton. Et oui, oui. Alors, répète-le, Maurice. L'amour, ça commence par l'amour. L'amour, attends, on va c'est le faire. Comme. Attends, attends, Bob. Alors. Vas-y. L'amour, c'est comme. Ah oui. Comme. C'est toi qui l'as. Les spaghettis, quand c'est mou. C'est cuit. Et oui. Et c'est un vrai dicton. C'est un dicton belge. Ah, c'est pour nos amis pas. Belges qui nous écoutent. Ah, c'est un dicton belge. Ah, bah oui. Je suis pas sûr que ça leur rende vraiment hommage. Oui, mais enfin, ça vous permet de marquer un point, ah, bah, Taz oui, et Fred. Donc on vous applaudit quand même. Ah, bravo. C'est bien, hein. Bravo. Alors, juste après la pause. Juste après la pause, un peu de blague. Ah bah oui. Allez, allez on revient après la pause et toujours avec Taz. Oui. Ouais. Avec Taz. Alors, quel public ce soir. Oh là, ils sont chauds. Hein. Il y a un, non, c'est avec un point d'exclamation ou un point d'interrogation. Alors, avec les deux. Donc on a appris que Taz a plusieurs talents. Non, je dirais même plus qu'elle a plusieurs cordes à son arc. Oh, oh, oh. donc Taz donc a plusieurs talents cachés. Non seulement elle nous fait rire avec ses sketchs. Elle a des trucs cachés sur elle. Oui, mais en plus elle chante. Mais comment ça tu chantes? Oui, enfin j'essaye de chanter, du moins. Et en fait, ça fait partie de mon spectacle. Donc c'est la boulangère. J'ai été boulangère pendant 4 mois et demi avec un camion. J'ai fait une tournée dans les villages. Et mes clients m'ont beaucoup beaucoup inspirée et surtout les jeux de mots. Ah. Voilà. Bon, alors on te propose de prendre ta guitare. Oui. Et puis de nous faire voir ce que ça donne alors. Bah allons-y. Allez, c'est parti. Taz dans Basse Marée. C'est pas toujours évident de vendre des miches aux gens. De plus en plus exigeant, c'est pas facile. D'être boulangère, d'être boulangère, d'être boulangère, d'être boulangère. Je fais ma tournée dans mon camion, je suis la reine, je roule à fond. Les glands se collent au plafond, c'est pas facile. D'être boulangère, d'être boulangère, d'être boulangère, d'être boulangère. Tout ça me donne envie de me taper une religieuse. Tant pis trop tard, je suis arrivée, mesdames, messieurs. Vous désirez la boulangère, la boulangère, la boulangère, la boulangère. Prenez-moi plutôt une boule, j'en ai des petites et des grosses. Je peux aussi vous les trancher, ça fait partie de mon métier. Je suis boulangère, je suis boulangère, je suis boulangère, je suis boulangère. Allez-y, je suis à vous, un bâtard ou deux ou quatre, comme vous voulez. Prenez-moi tout, prenez-moi tout. Je suis boulangère, je suis boulangère, je suis boulangère, je suis boulangère, je suis boulangère, je suis boulangère, je suis boulangère, je suis boulangère. C'est un hymne pour les boulangers, ah oui, c'est ça. Gentil, c'est frais, bah oui, c'est très bien. Bah oui. C'est très très bien. Ça donne des idées à Bob. Hein. Ah oui, oui, oui. La boulangère qui se met le gland au plafond, ça doit te plaire, ça. Elle a de belles miches, hein, je suppose. Alors en plus, t'as fait... Elle va te mettre un pain si tu continues. Exactement. En fait, t'as fait un petit clip en plus. Bah oui, je me suis amusée à faire le clip justement avec les gens du village où j'ai vécu pendant 20 ans. Et d'ailleurs, bah, la religieuse qui se fait buter par le camion, c'est ma cousine, Magali, je fais un gros bisou. Et ben, les autres personnes, par exemple, le petit vieux, je vais te dire, qui a mal aux coucougnettes, c'est mon ancien prof de CP. Ah, voilà, j'ai fait un gros bisou aussi à Monsieur Justin. Ah, Monsieur Justin, juste voilà. Il y a avec sa femme et puis ben les boulangers de Vadney, voilà. Voilà. Bah alors donc tout ça, on le retrouve sur ton site internet, j'imagine. Sur mon site, ouais, voilà. Maurice, la vidéo est là-bas. Oui, alors le site internet, c'est ben oui. Taz.e petit-monsite.com. Mmh. Arrête. Oui, enchaîné. Non, non, c'est non, tu as fait ça très bien, Maurice, parfait. Là. Bien, la promo est bien faite quand c'est Maurice qui l'a fait, quand même. Ah hein. Oui, c'est génial. Mais... Si tu ouais. cherches un attaché de presse. On va solliciter Taz. Oh, bien. Oh. Ah, ça t'a bien plu, ça, hein, Maurice. Hein. Oui. Mais t'es pas allemand? Non, pas du tout. Pourquoi? Ça aurait fait un attaché de Prusse. Oh, voilà, oh, oh, oh, oh, là. Par contre, dans ta boîte e-mail, tu continues à recevoir des courriers. Oui, radio.ovsm@gmail.com. Oui. J'ai reçu de Ludo de Montpellier. T'as beaucoup de gens du sud qui t'écrivent quand même, je trouve. Faudrait qu'ils descendent en région parisienne quand même pour qu'ils. Oui, parce qu'ils regardent la carte à l'envers. Ah oui, retourne la carte, Maurice. Non. Bon. Oh non, mais c'est pas vrai. Faut quand même qu'on vous dise. Il retourne Maurice le mail. Vient de retourner la feuille. Voilà. Il a un peu été bercé trop près du mur. Voilà. J'étais derrière le rideau. Mais je vous ai déjà raconté l'histoire de Maurice quand il était petit. Il a été éteint. Ah non. Moi, j'ai connu sa maman et quand il était petit, il y a eu le feu dedans. Ah. Donc ils l'ont éteint à coup de pelle. Oui. Maintenant, il est comme ça. Alors, vas-y, Maurice. De Ludo de Montpellier, que je remercie de son, oui, tu de as son pas appel. Tu bon, pas allez, hey, ça fait trois fois que tu le cites quand même, Ludo de Montpellier. Hein. Il y a la photo ou quoi? Faudrait marquer l'âge maintenant. Quelle est la différence entre un train et un fantôme? Ah, d'habitude, tu dis quelle différence y a-t-il? Non, je lis ce qui a marqué. Hein. Ah, mais c'est bien. Quelle est la différence entre un train et un fantôme? Ben, oui. Ça, on ne sait pas. Le train est un convoi et le fantôme est un qu'on voit pas. Non. Oh, oh là là. Écoute, j'en reviens pas quand même, parce que ce soir, vraiment, toutes tes blagues sont passées du... Vraiment... Attends, parce que c'est Ludo, il m'a écrit à moi aussi. Mmh. Quelle différence y a-t-il entre un train et Maurice? Ah, on sait pas. Le train est un convoi et Maurice est un con qu'on entend. N'applaudissez pas. Elle est pas riche, hein. Oh, ouais, ouais, non, ouais, elle est pas riche. Elle est... Je trouve qu'il est mauvais, Frédéric, en ce moment. Quand il s'y met, oui. Mais je l'aime bien. Il y a une blague qu'il y a longtemps que tu nous as pas fait, Maurice, quand même. Envoie les archives. Non, qui ferait plaisir à Taz, parce qu'on lui a quand même dit que tu avais deux, trois blagues fétiches. Mmh. Et il y a la fameuse blague de la vache et le citron. Ah, la vache et le citron. Oui. Hein, une vache et un citron veulent braquer une banque. Oh. Le citron dit... Plus un geste. Non. Ah oui, Non. C'est pas possible. Hein. C'est pas possible. Tu le fais exprès, Maurice. Alors. Plus un geste. Non, un zeste. Zeste. Oui, essaye Zob, voilà. Zob, oui. Voilà. Ça, oui, tu arrives, ça. Hein. Alors, ça, tu l'as bien en bouche, celui-là. Et essaye Zezette. Zezette. Il l'a bien en bouche, celui-là. Voilà, tu y arrives, Zezette. Alors, et dit Zezette épouse X. On l'a revu. Hein. Il est passé il n'y a pas longtemps. Une vache et un citron veulent braquer une banque. Jusque-là, ça un va. Un citron dit plus un Zezette. Elle va être bien. Oui. Et la vache Maurice, c'est pas sérieux. Et la vache Et la vache retort. C'est pas vrai. On ne bouge plus. Mais non. On ne bouge plus. Oh là là. Bon, enchaîne, Philippe, hein, parce qu'on va pas s'en sortir. Le citron. Le citron. Comme j'ai pas beaucoup bu, hein, ça va rien donner. Allez, on va essayer. Une vache et un citron veulent braquer une banque. Oh. Le citron dit plus un geste. Et la vache rétend. On ne bouge pas, on ne bouge plus. C'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Vous l'avez dit. Tu peux pas me la refaire, mais un peu mieux. Non, pas du tout. C'est Damien qui l'a fait, hein, oui, jusqu'à maintenant. Oui, oui, oui. Ah non, là, elle était, non, non, elle était presque réussie, là, Maurice. Oui, oui. Mais je pense que. Il a dit plus un geste. Dans 15 ans, elle sera réussie. Non. C'est plus un zeste. Je pense parce que. Non, non, parce qu'il y a trop de lumière. Baissez la lumière du plateau et redonnez la blague à Maurice. Non, c'est la lumière qui le gêne. Attendez, regardez, voilà, on va baisser la lumière. C'est comme le moustique, c'est la lumière. Alors là, on est pratiquement dans le noir. Voilà, remettez de l'insuline dans la perfusion de Maurice, s'il vous plaît. Alors Maurice, maintenant, presque dans le noir, à la lueur de la bougie. Comme Ophélie Winter. Une vache et un citron veulent braquer une banque. Oh. Le dit, le citron dit, tais-toi, toi, là-bas. Qu'est-ce qu'il y a ? Le citron dit ça ? Non, mais moi, je la connais, ta blague, je m'en fous. Ah bon ? Mais ne parle pas quand je cause. Alors, refais-la depuis le début. Dit... Non, non, depuis le début, parce qu'on puisse la mettre en entier. Oh. Oui. Une vache dit... Non. Une vache et un... On va y arriver. On va y arriver, on se... Mais tu vois que je t'avais dit que ça irait mieux on sur la lumière. On se cramponne au papier. Voilà. Allez. Une vache et un citron veulent braquer une banque. Maurice, fais comme la tomate, concentre-toi. Oh. Ils sont cons, hein, quand même. Ah. Comme le lait. Oui, il est concentré, ah oui. Comme on dit chez Nestlé. Le citron dit... Ah non, non, reprends-la, non, parce que là... Ah non. Non, bah non. Et comment on va faire pour la diffuser? Ah oui, attends, il faut bien la faire. Comment on va faire Allez, pour on la, la refait diffuser. Propre. Une... Non, une pas vache. Une vache. Une vache. Arrête. Allez. Allez, il n'y a plus de rebut. Une vache et un citron veulent braquer une banque. Oh, oh. Arrêtez, vous le déconcentrez. On est encore demain soir. Bien le citron même. Dit plus un geste. Mais non, non un geste. Oh, un zeste. Il n'y a pas de blague. Ah bah oui, plus un zeste. Un geste. Un zeste. J'arrive à pas. Tu l'as dit là. Bon, et la vache rétorque, on ne bouge plus. On ne bouge plus. Bon, bah, elle est foirée encore. Elle est encore foirée. Elle va recommencer la semaine prochaine. Et oui, et ça, c'était il y a quand même plusieurs mois. Donc une bonne chose, ça ne change pas. Bah non. Non, non, non. Dans quelques instants, oui, dans quelques instants, nous avons le petit quiz. Ah, je vais vous montrer mon petit quiz. Restez avec nous et toujours avec Taz. Sans changer de vie. Retourne, on va se marrer. Ben pour, Maurice, on n'est pas encore à l'antenne, il applaudit déjà, vous savez, il est pressé. Hein. Il s'échauffe. Ouais, avec Taz. Ouais. Heureusement qu'on t'aime, hein, Maurice. Aïe, aïe, aïe. On a sollicité Taz. Elle t'a bien plu, celle-là. Sollicité, oui. Alors, Frédéric, comme chaque semaine, tu nous as sorti ton petit quiz. Je vous ai sorti mon petit quiz, dis donc. C'est ça l'odeur. Voilà. Et alors, cette semaine, on Philippe, alors, t'as carotté dans le micro, si tu veux aussi. C'est du quiz à la crème. C'est des huîtres. Alors, cette semaine, Bob, c'est spécialement pour toi. C'est du cinéma. Ah, bah oui. Vous allez entendre 9 répliques cultes du cinéma. Il faut juste trouver les titres des films. Oh là. D'accord. Voilà, donc Bob, le premier extrait, comme d'habitude. Alors, le premier extrait, c'est celui qui précède le deuxième. C'est le jingle, voilà. Allez, le titre de film à trouver. Oui, je t'encule, Thérèse, je te prends, je te retourne contre le mur, je te baisse par tous les trous, je te défonce, je te mets, Thérèse. Lucien, mon petit, je voudrais pas te paraître plus jeune et encore moins grossier. L'homme de la pampa, parfois rude, reste toujours courtois, mais la vérité m'oblige à te le dire, ton Antoine commence à me lubriser. Merci la gueuse. Tu es un laidron, mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, hein? Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à pote? Elle est goulayante, cette vilasse. Ça fait 2 fois que vous faites ça. Oui. Vous m'avez déjà pris mes chaussures, maintenant mon vélo. Eh ben alors, c'est normal, non? Excusez-moi. Monsieur Hainaut. Si la connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, vous finirez sur la paille. Dis donc, petit malpoli, tu veux que je t'apprenne? Monsieur Hainaut, je vous interdis de tutoyer mon homme de bar. Je vous ai déjà dit que vous n'étiez pas de la même famille. Je voulais pas la gifler, je te jure. C'est Rosen qui me l'a demandé. Moi non plus, je voulais pas te gifler. C'est ma femme qui me l'a demandé. Là, vous êtes vache, commandant. C'est le boulot, non? J'aime pas donner des baffes. T'as raison. Le boulot, c'est le boulot. Qu'est-ce que vous nagez bien, cher? Oh là! Avant, je nageais mieux que ça, mais c'est toujours pareil. Hein. Ah bah dites donc, qu'est-ce qu'il vous faut, alors? Ah, vous, vous êtes pas vu, hein? Oh là là! Tu comprends maintenant pourquoi j'ai besoin de cette adresse, hein? Si, je comprends. Et je l'ai vu à l'œuvre, le Menot, hein? Dès qu'il y a un jupon à l'horizon, il devient fou. Ah, le cochon! Ah, le cochon! Le cochon! Bon, bah ça va maintenant! Et je le connais, le cornard! Je reviendrai. Qu'est-ce qu'il y a, Maurice? Pourquoi tu râles? Moi, j'ai retrouvé les acteurs, mais... Alors, spécialement pour l'extrait numéro 7, je veux le titre exact du film. Oui. Oh là là. Oui, oh là là. Il y a le clair de lune. Voilà. Ouais. Je veux le titre exact. Alors, Taz. T'en as combien? 4. Ah, 4 sur 9. Il y en avait un, je ne suis pas sûr. 4. 4 sur 9. Moi, je dirais 3 parce que... Bob. 3, il en a marqué que 2. Non, mais... Moi, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 et d'autres. Et que... le Belmondo, ouais. Tu ne trouves pas. Hein, le Belmondo, ah, tu ne trouves ça, pas. Ah, pourtant, celui-là, il est archi-connu. Avec un acteur qui est mort. C'est la musique avec le chien. Là. Et en plus, on entend un acteur qui vient juste de nous quitter dedans. Oui, tout à fait. Pierre Donadieu. Ouais, oui. Donadieu, oui. Philippe, combien? Oui, 5 ou 6, oui. 2, 3, 4, 5, 6, oui, ça, oui. Bon, bah, on fait comme Maurice. Oui. On la décompose. Ah. Le premier, tu l'as trouvé, Bob, je crois. Oui, Bob, le tout premier. Non, le tout premier. Ah, le tout premier, je crois que c'est l'indicatif. Ah. Voilà, ah oui, on disait comme ça dans les années 50. Pourtant, on disait ça, oui. Alors, on laisse d'abord notre invité. Oui, bien sûr. Alors, Taz. Le Père Noël est une ordure. Oui. J'adore. Je te mets, mon petit. Alors, le 2, je n'ai pas trouvé. C'est Mélodie en sous-sol. Non, c'est pas celui-là. Le cache se rebiff alors. Et la vérité m'oblige à te le dire, ton Antoine commence à me les briser. Ah, c'est les tontons flingueurs. Voilà. Tontons flingueurs. Eh oui. Ma petite Patricia. Merci la gueuse. Tu es un laitron, mais tu es bien bonne. Ça, c'est facile. Les visiteurs. Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à pote. Les couléillons, c'est filasse. Bon, ça finit pas trouvé. Ouais, bon. La grande vadrouille. Oui, la grande vadrouille. C'est normal, non? Il faillit go. Excusez-moi. Je voulais mettre celui-là. Monsieur Hainaut. Là, j'ai pas trouvé. Si la connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, vous finirez sur la parade. Jean-Paul Belmondo. Ouais. Dis donc, petit malcoli, tu veux que je t'apprenne? Jacques Marin, Jean Gabin, Fulgore Verneuil. Je vous ai déjà dit que... D'après Antoine Blondin, je crois. J'ai marqué l'homme de l'écluse, mais c'est pas ça. Non, le baron de l'écluse. Oui, mais c'est pas ça. Non, d'après, rigolo. D'après Antoine Blondin, je crois. J'arrive pas à me souvenir. Moi non plus. Film d'Henri Verneuil. Un singe en hiver. Ah. Oh là là. Ensuite pour Bob. Ah oui. C'est Rosen qui me l'a demandé. Alors là, pareil, c'est Rosen, oui. Ouais. Rosen qui a fait la bavure. C'était joué par Robert Hossein, le fameux Rosen. Robert Hossein qui fait le flic. Belmondo qui fait le... Jos Beaumont. Espionnage et châtaigne. C'est ça. J'aime pas donner des baffes. Le... T'as raison. Le professionnel. Le professionnel, voilà. De toute façon, tous les films de Belmondo de cette époque, c'est le quelque chose. Oui. Non plus, j'aime pas donner des baffes. Alors, le titre alors, exact ah ouais. Des films. Taz. Alors, c'est la 7e compagnie, mais le titre exact... Oui. On a retrouvé la 7e compagnie, non? C'est le premier. Oui. Parce qu'il y a Aldo Mathieu. Mais où est donc la 7e compagnie? Où est passée la 7e compagnie? Alors, vous faites un mix des deux. Mais où est donc passée la 7e compagnie? Ah voilà. Oui, c'est ça. Moi, j'ai l'aime qu'il est à l'ail. Oui, parce que c'est Aldo Machione dans le premier qui est remplacé par Henri Guibet dans les deux suivants. C'est ça. Tu comprends maintenant pourquoi j'ai besoin de cette adresse, hein? Si, je comprends. Ça me dit quelque chose, mais je ne sais plus. Dès qu'il y a un jupon à l'horizon, il vient fou. Philippe a trouvé, bien sûr. Ah, le cochon. Ah, le cochon. Ah oui, l'histoire du cochon. Ah oui, c'est la traversée de Paris. Je le connais, le cornard. Non. Il y avait Daniel Prévost et Jacques Villeray dans la traversée de Paris. Ah oui, il y a Daniel Prévost. Le cornard. Non. Là, c'est cheval. Ah oui, là, c'est cheval, le dîner de con. Ah, ah, ah bon, oui. Excellent film. Ah, excellent, oui. Et le dernier? Je reviendrai. Ah oui. Bah, ça, c'est Schwarzenegger. Hein, dans le premier, c'est dans le premier qu'il dit ça. Hein. C'est. J'arrive pas à retomber. Bah alors Terminator. Ah oui. Ben, on va voir si c'est vrai, puisqu'il vient de quitter son poste de gouverneur. Oui, il va voir s'il va revenir. Ah, oui. Oh, non, il était Gouvernator. Gouvernator. Gouvernator. Il va en refaire c'est un... comme ça qu'il l'appelait là-bas. Hein. Allez, eh ben, je pense que ça mérite quand même les applaudissements parce que cette petite préparation de quiz. Mais bravo Frédéric. Merci. Il nous fait jouer chaque semaine. Non, c'est très bien. Allez, ça nous permet de faire une dernière petite tournée de blagues pour la route. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Alors Maurice. Maurice, on est là. Bijou. Oui, je suis là. Comment appelle-t-on un nain qui sort des WC? Je crains le pire. Un espresso, car ça fait un... Car voilà. C'est un peu... Oh là là là là là là là. Non, la Maurice, on n'a pas le temps, là. Prenez la station, on rentre tard. Est-ce qu'il en a réussi une ce soir? Non. Excusez-moi, parce que vas-y, c'est... Vas-y, allez, Maurice. T'es tout excusé, Maurice. Comment appelle-t-on un nain qui sort des WC? Un espresso. Un espresso, car c'est un petit qui a fait. Non, un petit café. Un petit café. Un petit café. Oui, car c'est un petit café. Ben oui, sinon, mais sinon c'est pas drôle. Oui, ben c'est ce que j'ai dit. Non, t'as dit un petit qui a fait. Ah oui. Merci Maurice. Passez-moi De Gaulle. C'est une petite histoire de couple, un petit couple, et la dame reste une demi-heure au téléphone. Ah. Et son mari dit, ah bah dis donc, c'est court, en général c'est plutôt 2 heures que tu restes au téléphone. C'était qui? Info numéro. Voilà, court, propre, net, bien. Alors, passe. Quelle est la différence fondamentale entre une femme et un terroriste? Je ne sais pas. Tu peux négocier avec le terroriste. C'est vrai. C'est tellement vrai. Alors, on va remercier Taz qui est venu nous voir à l'occasion de son spectacle 100% féminin. Oui, c'est ça. Actuellement en tournée un petit peu partout. Donc, voilà. Surveillez les salles autour de chez vous. Et puis, si vous voulez accueillir, vous qui nous écoutez, qui avez peut-être une salle de spectacle en province, vous avez envie d'accueillir Taz. Ou même sur Paris. Hein, oui, pourquoi pas. Bien sûr. C'est en discussion en ce moment. Voilà. Vous n'hésitez pas. Frédéric Coster, @gmail.com. Ah non, pardon. Ça, c'est pour Taz. Vous allez sur son site internet. Taz. Maurice, il est en retard à la image. Alors, vous allez sur son site internet. Alors, taz.e. taz.mon-site.com. Taz qui s'écrit avec un H, ne pas confondre avec Taz. T-H-A-Z. Voilà. Puis il y a sur son site, et en plus il y a des extraits du spectacle. Voilà. Et son spectacle, c'est 100% féminin. Voilà, c'est bien. Bravo Maurice. Bravo. Merci Taz de t'être venu chez nous. Très merci sympa. À vous. Alors en plus, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, c'est que ton équipe avec Fred remporte la victoire. Ah. 3-1 Bob. Oh, bravo. Bob et Maurice, une fois de plus, écrasés. Eh oui, c'est... Par le poids des ans. C'est comme... c'est ma croix. Mais voilà. Alors, on va les remercier aussi. Merci Maurice. Bravo. Merci Maurice. Merci à Bob du club. Bonsoir les filles. Bravo. À Frédéric Coster. Ah, merci. Et on va solliciter Taz. Non, c'est fini. Merci également à Davy pour la réalisation de cette émission. Oui. Vous retrouvez l'émission sur Internet, les anciennes émissions sur onvasemarrer.com. Si vous voulez recevoir le podcast, c'est sur iTunes. Vous abutez, abonnez au podcast, on va se marrer. Vous abutez au podcast, oui, bien sûr. Toutes les semaines, vous recevez l'émission. Dans la gueule. Voilà, parfait. Et puis sinon, la page Facebook du groupe On va se marrer pour avoir les photos de l'émission, puis les infos. J'ai tout dit, je crois, là. Je crois que c'est tout. Voilà, c'est tout. Merci de votre patience. Coucher, non, allez. Et rendez-vous la prochaine fois. Ouais. Hey. Oh. Bon, allez, à table.